Ad Astra Per Aspera, par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima ? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Ad Astra, le nouveau film de James Gray. Décrivez du mieux que vous le pouvez votre état mental et émotionnel actuel. L'espace comme vous ne l'avez jamais vu. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même. Une odyssée spatiale fascinante, avec Brad Pitt. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt ? Ad Astra, présenté en compétition à la Mostra de Venise, le 18 septembre au cinéma. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeu de mort, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Sophie Hoppicon. Prenez une demi-douzaine de candidats à l'embauche, enfermez-les dans une pièce sombre, une panic room, un film est projeté, un flic anglais essoré appelle les candidats à l'aide. Il faut mettre la main sur ce tueur en série. Alors ils vont avoir des indices, ils ont une heure pour élucider le mystère, le compteur sur le mur égrène ses chiffres en rouge, le décompte est angoissant, les candidats vont devoir résister au stress, s'organiser, collaborer, s'écouter. Parmi eux, incognito ou pas, d'ailleurs, un recruteur. Il s'agit de décrocher un job chez Groupama. Pour la troisième fois, l'assureur organise une session de recrutement de commerciaux basée sur un escape game. Un recruteur qui a déjà participé à l'opération, enfermé lui aussi dans la panic room, m'a expliqué qu'il avait finalement opté pour deux candidats qui s'étaient véritablement révélés pendant le jeu, l'un comme leader naturel, l'autre comme taiseux mais très réfléchi. Quand il a découvert leur CV, après coup, il a été surpris des CV sans relief qui n'auraient pas attiré son attention. Le jeu opère comme une présélection. Après, on a droit à un entretien de recrutement plus classique. Les escape games sont apparus au Japon au début des années 2000. Les entreprises s'y intéressent de plus en plus, notamment pour faire de la cohésion d'équipe. Elles savent qu'en adoptant cette culture du jeu, eh bien, elles font mouche auprès des jeunes générations bercées par la culture du jeu de rôle et du jeu vidéo. La fiction d'aujourd'hui raconte un voyage dans le monde de l'entreprise. La grande entreprise, la multinationale, celle dont le champ de développement est le monde, avec ses règles, ses lois et donc ses cadres, formés et choisis pour gagner. Et rien que ça, et coûte que coûte. L'archive que nous venons d'entendre, une chronique intitulée « C'est mon boulot » de Philippe Duport, diffusée sur France Info le 28 juin 2017, nous explique ces nouveaux jeux et enjeux qui prennent une place de plus en plus importante au sein des grandes entreprises, avec ce nouveau vocabulaire « escape game »,« panic room » ou encore « team building ». Nous ne traduirons pas, de toute façon, ces mots et expressions ne veulent rien dire. Ils sont employés pour permettre à l'entreprise de tester de nouvelles stratégies dans le management et dans le choix de leur cadre. Alors, quelles épreuves leur faire subir pour les juger, ces cadres ? Lequel ou laquelle sera plus apte à diriger une équipe ou gérer un projet ? Qui, dans le groupe, peut prendre le dessus ? Dans la fiction « Jeu de mort » que vous allez écouter, trois cadres d'une entreprise innovante ont été choisis par la DRH, Direction des ressources en principe humaines, pour tenter une expérience à la fois originale et enrichissante, comme ils disent. Vous allez donc découvrir l'escape game, une excellente manière de perfectionner la gestion du stress, la communication et le sens de l'entraide en équipe, le tout en immersion totale dans un cadre original, atypique, tout ça. Ça, ce sont les éléments de langage et de communication. Pour ce qui est du réel, je vous laisse le découvrir dans la fiction, si j'ose dire. Toujours est-il que le monde du travail peut parfois réserver d'étranges et terribles surprises. Après la fiction, celle qui nous raconte le réel, donc, nous continuerons notre enquête avec Hubert Prolongeau et Grégory Mardon, respectivement auteurs et dessinateurs d'un roman graphique très réaliste, magnifique et terrible, intitulé « Le travail m'a tué », édité chez Futuropolis et scénarisé également par Arnaud Delalande. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeu de mort de François Luciani. Avance. Ah oui, mais par où? Je n'en sais rien, avance. Tout droit, tu te laisses glisser. Ah, c'est pour Edra ici. Il y en a dans tous les coins. Tu les vois pas? Avance, je te dis. Elle pète de trouille, tu comprends pas? Pas la peine d'insister. Ce ne sont pas des rats, c'est le courant d'air, Louise. Ça siffle, c'est normal. Tu trouves ça normal, toi? Du vent ici? C'est des rats, je te dis. Rien que des rats. Louise, tu vas continuer à déconner encore longtemps? Franchement, tu deviens lourde, là. Avance. Non. Bouge. On va pas y passer la nuit. Non, je bougerai pas. J'ai besoin de savoir où je mets les pieds. Louise, tu sais quoi? Ouais, je sais, je fais chier tout le monde. C'est exactement ça. Tu fais vraiment chier tout le monde. Et alors, si j'ai la trouille? J'ai pas le droit d'avoir la trouille, moi. Ça te dérange, on n'est pas tous fait pareil? Y a pas que toi, ici. T'es pas toute seule, ok? Mais on y voit que dalle, là-dedans. Allume ta frontale. J'ai plus de piles. Impossible, elles sont neuves de ce matin. Depuis le temps que ça me démange, Louise. Faut vraiment que je te dise... Tais-toi, Jeanne, ça suffit, c'est pas le moment. Pas la peine d'en rajouter. Bah vas-y, Jeanne, dis ce que t'as sur le cœur une bonne fois, ça me gêne pas, tu sais. Tu n'es qu'une dégonflée. Ah ouais? Comme dans la vie, tu te pisses dessus au moindre emmerde. C'est ça, la vérité. Je m'en fiche de ton avis, ok? Tu sais pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Ouais, basta, vous deux. On n'est pas là pour s'engueuler. La sortie, elle est où, bordel? Mais faudrait avancer pour savoir. Et cette conne, elle nous bloque. Foutez-moi la paix, mais foutez-moi la paix une bonne fois. Moi, j'ai rien demandé, moi. Rien, vous m'entendez? Rien. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Ce n'était qu'un jeu proposé par Marie-Hélène, la DRH du groupe. Ils appellent ça le team building, la construction d'équipe, en bon français. Bon, les amis, le monde bouge, on est d'accord? Oui, et la Terre tourne. Et nous aussi, on bouge avec la Terre qui tourne, tout ça, on le sait. Où tu veux en venir, Marie-Hélène? Voilà. Ce que j'ai à vous dire n'est pas forcément agréable. Avec la direction générale du groupe, on a noté un manque de cohésion dans les équipes de cadres. Notamment du côté des data managers. Oh. Vous restez dans votre coin, vous ne cherchez pas à vous connaître les uns les autres, communiquer, collaborer, trouver des solutions partagées. Et résultat, on a constaté que... Que quoi? Un manque de réactivité. Nous, un manque de réactivité, alors ça c'est la meilleure. C'est quoi cette connerie? On est à fond tout le temps. Ce n'est pas contre vous, je vous assure, mais vous le savez bien, parfois, sans s'en rendre compte... Ouais, on s'endort sur ses lauriers. On fait moins d'efforts. On prend des RTT à tour de bras. C'est ça que tu veux nous dire? Non. Alors c'est quoi? Accouche? Communiquer. Pardon? Oui. Communiquer. Se serrer les coudes, être solidaire, former une vraie équipe de winners et de winneuses. S'aimer. Elle a fumé ou quoi? On n'est pas là pour s'aimer, on est là pour bosser. Mais justement, il faut apprendre à mieux vous connaître et mieux vous apprécier. Et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Vous êtes nos premiers de cordée, ne l'oubliez pas. C'est important ça, les premiers de cordée. Premiers de cordée, j'ai déjà entendu ça quelque part. Parce que tu considères que ce qu'on fait, c'est pas assez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le DG. Alors... Alors quoi? Alors, on a décidé de vous proposer un truc friendly, très fun. C'est pris en charge par la boîte. Je sens que ça craint. Et c'est quoi ton truc friendly, très fun? Un escape game. Ouh, t'as raison, ça craint. Qui est volontaire? Pas moi, ni moi. Ma femme va accoucher bientôt et... Bon, je repose la question autrement. Qui veut quitter le groupe? C'est une menace? Juste un conseil. Il faut vous libérer de l'ancien monde, les amis. Vous comprenez ça? Sinon, vous êtes morts. Vous avez carrément intérêt à vous adapter. Et si on ne veut pas s'adapter? Je repose la question une dernière fois. Qui est volontaire? En fait, on n'avait pas vraiment le choix. C'était ça ou être ringardisé, placardisé, plus aucun espoir de promotion, et ensuite, direction la porte. Alors, quelques jours plus tard, on était tous les trois élitreillés au fond du gouffre d'Esparos. C'était un jeu, un escape game, un jeu d'évasion, comme ils disent. Mission, trouver la voie qui mène à la sortie en moins de 24 heures. Ils nous ont filé tout le barda. Duvet, sac à dos, réchaud, une carte du gouffre et même un téléphone relié directement à l'hélico en cas de problème. Et on est parti comme ça. Ok! Oui, mais... Go! perso, j'aurais préféré rester avec ma femme. Elle va accoucher dans un mois, c'est notre premier. Elle était pas très bien quand je suis parti. Et... Ok. C'est-à-dire que... Go! Putain, j'y crois pas! Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça dans la vie, il faut savoir sacrifier la vie de famille pour le boulot. C'est vrai ça? Le boulot, c'est comme un théâtre. On s'habille correct, on se maquille nickel, toujours la banane. On fait semblant de tout comme des acteurs. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ok. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Go! Rien. Sur la carte, on dirait que ce serait par là. Je vois rien. Si, si, il faut se faufiler dans le petit trou là-bas au fond. Oh, t'en es sûr? Ouais, t'inquiète, on va sortir de là en deux coulées gros, tu vas voir, c'est marqué là sur la carte. J'ai une de ces trouilles. Avance, tu te laisses glisser dans le trou, c'est sans problème, comme un toboggan. Non! Avance, il te dit. Non, j'ai la trouille, c'est bourré de rats ici. Mais n'importe quoi, avance. Non, j'avancerai pas. C'est là qu'elles ont commencé à s'engueuler. Quoi? Jeanne a balancé à Louise qu'elle n'était rien qu'une dégonflée. Louise lui a répliqué qu'elle se moquait pas mal de son point de vue. Bref, pour éviter que ça s'envenime, j'ai décidé d'ouvrir la voie. Et tout a basculé. Bon, calmez-vous, ok? Je passe devant. Ça vaudra mieux. C'est par là. Marc, c'est bon? Ouais, c'est bon. Marc? Marc? Il est où? Marc! Tu m'entends? Mais il est où? Mais j'en sais rien, j'ai entendu comme un bruit dans les caillasses et puis plus rien. Mais il est où? Mais j'en sais rien, hein, je te dis. Mais Marc, il est où? Il est arrivé quelque chose? Marc! Marc, tu m'entends? C'est Louise! T'es où? Oh, je dis qu'il est mort. Voilà, à cause de toi. À cause de toutes ces conneries. Putain, vous faites chier tous avec vos putains de conneries. Il est où, Marc, maintenant? Tu peux me le dire? Il est où? Mais nous, on fait quoi, maintenant? On sait même pas où il est passé. Tu peux me dire ce qu'on fait, maintenant? Putain, il fait chier! Merde! On va aller voir. Un mort, ça ne suffit pas. Faut qu'on y passe tous, c'est ça? Il est pas mort, voyons, Louise. Il est peut-être tombé. Il s'est peut-être assommé. J'en sais rien. Il va sûrement se réveiller. Peut-être, peut-être. Mais puis qu'est-ce que t'en sais, toi? Moi, je dis qu'il est mort. Voilà, à cause de nous. On était meurtrières et puis on va aller en prison. Voilà. Il faut que tu te calmes, Louise. N'oublie pas que tout ça, ce n'est qu'un jeu. Si ça se trouve, s'il ne répond pas, c'est pour nous tester, tu comprends? Pour voir comment on réagit dans ce genre de situation extrême. Tu comprends ça, Louise? Un jeu? Ça? Tu plaisantes? Et puis pourquoi Marc, il voudrait nous tester? Il a peut-être des consignes que nous, on n'a pas. Des consignes? Ouais, peut-être. Tu penses que Marc est en train de nous truander? J'en sais rien. On peut tout imaginer. Marc est en train de crever à l'agonie dans des souffrances atroces et toi, t'es en train de me dire qu'on fait joujou? C'est bien ça, là? J'avoue que j'ai toujours eu un doute sur lui, voilà. Et je me demande... Tu sais que t'es qu'une grosse salope. Calme-toi, Louise. Essaie de réfléchir au lieu de m'insulter. Parce que c'est comme ça, je vais aller lui demander moi-même si c'est un sale pourri de traître. Marc! Marc! T'es où? Tu m'entends? On arrive! Marc! Jeanne! Tu m'entends? Oui! Marc! Il est là! Juste en bas! Il bouge plus! Faut appeler du secours! Tu es sûr? Oui! Il est là! En bas! On dirait qu'il respire encore! Tu peux t'approcher de lui? Impossible! Il a dû glisser en passant le boyau et il est tombé en contrebas. Il y a au moins 4 mètres. J'ai la trouille de sauter, c'est trop haut. Louise, aide-moi. Ma jambe. Ma jambe. Marc, je suis là. Louise, il faut appeler un médecin. Ok, Marc. Ne t'inquiète surtout pas. On est là. On va te sortir de là, ok? Surtout, tu t'inquiètes pas. On est d'accord? Dépêche-toi. Jeanne! Tu m'entends? Oui! Je t'entends! Appelle l'hélico! Marc est blessé! Ça a l'air très sérieux! J'ai plus de batterie! Quoi? J'ai plus de batterie, je te dis! Même pas une de secours! Une vraie com! Je l'ai laissée à la maison! Je confirme, t'es vraiment qu'une grosse conne! Ok! Pas la peine de te venger sur moi! Je l'ai oublié, c'est tout! Mais alors on fait comment maintenant, tu peux me le dire? Si j'ai pas un peu de raison, putain, tu fais chier, Jeanne! Écoute! Tu te calmes! Tu mets ton portable dans ton sac étanche. Je le remonte avec la corde. Je te descends ensuite 10 mètres de corde double avec ton baudrier. Et tu vas jusqu'à lui. Ça te va? Ben voyons. Et je descends comment, moi? En rappel, avec ton baudrier. Je te sécurise de là où je suis, ok? Tu plaisantes? Arrête de faire ta petite fille. Il faut que tu sois grande maintenant. Un peu de courage. Tu fixes un piton dans la paroi et tu descends tranquille. Je suis avec toi. Je te lâche pas. Impossible, j'ai le vertige. Louise, tu descends. Ok? Et toi, qu'est-ce que tu fais là-haut pendant ce temps-là? Tu bronzes? J'appelle un toubib. Sûr? Marc, on va pas le laisser crever ici, quand même! Fais ce qu'elle te dit, Louise! Je suis là, Marc. T'inquiète. Tu l'as? C'est bon! Je l'ai! Je te descends le matos! C'est ok! Tu fixes le baudrier et on y va! Ok? Ok! N'aie pas peur! Je suis là! Avec toi! Je t'assure de là-haut! Ok? Ok! T'inquiète, on est là maintenant. Jeanne! Tu m'entends? Jeanne! Tu m'entends? Réponds-moi! Oui! Je suis dans... ressemble à une fracture du tibia. Une fracture ouverte. Préviens le toubib. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est la nappe. La nappe phréatique. Oh. Ça va se remplir, Louise. Il doit pleuvoir à la surface. Putain, mais c'est pas vrai. Jeanne ! Tu m'entends ? Réponds ! Vous crevez comme Clara ici, au secours ! Allô ? Allô ? C'est Jeanne. Jeanne Bourguignon. On a un blessé. Il faut venir tout de suite avec un médecin. Vous m'entendez ? Je vous entends mal, madame. Vous pouvez répéter ? On a un blessé ? Il faut venir tout de suite ! Vigilance, or. Alerte, orage. Pardon ? Collage impossible. Activité électrique forte. Pluie et vent se cèdent par rafale. Nous devons attendre la levée de l'alerte. Restez où vous êtes. Mais c'est pas vrai. Au secours. Louise. Oui, Marc. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va bien finir par s'arrêter. Il faut pas rester là. Allô ? Vous m'entendez ? Je vous reçois 2/5. Avis de tempête. Vous devez rejoindre la surface. Reçu ? Rejoignez la surface. Mais comment ? Suivez l'air. Suivez l'air. Quoi ? Suivez quoi ? Vous m'entendez ? Je regardais Marc. Il se cramponnait à moi comme un enfant. Il souffrait. Soudain, j'ai eu une idée affreuse. Et s'il mentait ? Et si tout cela n'était qu'une comédie ? Un jeu macabre. J'ai regardé sa jambe. Il y avait du sang partout. J'ai relevé son pantalon. J'ai appuyé sur la blessure. Qu'est-ce que tu fais ? Excuse-moi, Marc. J'ai pas fait exprès. Je savais qu'elle se méfiait de moi. Pardon. Depuis le début. Est-ce qu'elles allaient me laisser tomber ? Elles en étaient bien capables, l'une comme l'autre. Je le savais. Alors il fallait que je les retienne par tous les moyens, qu'elles restent près de moi. Louise, c'était la plus fragile. Alors je me suis accroché à elle, quitte à mourir ensemble. Allez, avance. Avance, cocotte. Allô ? Je vous en supplie. Répondez ! Au secours ! Au secours ! Ce sera terminé, Louise. T'as déjà bu jusqu'à la poitrine. Impossible. Jeanne va nous retrouver et elle va nous sauver. Tu crois ça ? Oui. T'en es sûr ? Oui. C'est bien elle qui a le sac de vivre et ton portable, non ? Oui, et alors ? Alors, rien. Tu veux dire qu'elle serait capable de nous lâcher ? À ton avis ? Non ! C'est impossible. Pas comme ça. Jeanne ! Jeanne ! Donne-moi ta main. Merci. Allez ! Marc, je veux pas mourir ici toute seule. Oh. Allez. Qu'est-ce qui fait froid? Oh. Allô? Jeanne, vous m'entendez? Oui. Où sont les deux autres? Je sais pas, moi. Il faut redescendre. Il faut leur apporter des vivres et des médicaments. Mais ils sont fous, je vous dis. Vous pouvez redescendre? Sortez-moi de là. Je veux sortir. On peut dire que vous avez une sacrée chance. Et les autres? Ce n'est plus le moment, Jeanne. Il faut vous calmer maintenant. Oh, Marc et Louise, ils sont... Il faut vous reposer, ok? C'est trop tard. Maintenant, on ne peut plus rien pour eux. Louise, c'est pas vrai. Vous mentez. C'est ça. Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Tu m'entends? Écoute! L'eau! C'est bizarre! Marc? Je peux prendre ta frontale, on dirait que ça se calme. Regarde! Il y a un fil là! Dans le boyau! Au bout d'un truc jaune! C'est l'eau qui le ramène, mon baudrier! Marc, faut bouger là. Je peux pas, j'ai froid. Bouge. À deux, on n'y arrivera pas. Il faut que tu m'aides, Marc. Je veux pas crever ici, moi, ok? Alors tu bouges, d'accord? Oui. Allez, Marc, tu fais ça pour moi, ok? Allez. Tiens, ouvre. C'est quoi? Ma lettre de démission. Oh, vraiment, Jeanne, je suis désolée, je t'assure. Je pensais pas que ça aurait pu tourner comme ça. Je m'en fous que tu sois désolée. Vraiment. Au fait, je voulais te dire. Quoi encore? T'as vraiment été la meilleure sur ce coup-là. Pardon? Ouais. Tu t'en es vraiment bien sortie. Pardon? Tu t'en es sortie. Voilà. C'est tout. Deux morts. Ça ne te suffit pas? Et tu oses me dire ça? Non mais t'es complètement folle. Tu crois? Même pas honte. Honte? Mais de quoi? Oui? Deux personnes demandent à vous voir, madame. Faites-les entrer, Georges. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Jeanne. Vous vous connaissez? Mais... c'est impossible. Elle a raison, tu sais. T'as été la meilleure. On crevait au fond du trou et toi, tu t'es tirée toute seule avec la bouffe et le portable. Aucun doute, tu es la meilleure. N'est-ce pas, Louise? Ah oui, Jeanne, c'est la meilleure. Marc! Louise! Tu pleures? Oh, attention, tu perds des points, là. Hein. Ah, Louise a raison, tu te ramollis, Jeanne. Au jeu de la mort, c'est comme dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Mm-hmm. Des winners et des losers. Jeanne, toi, tu la mets dans quelle catégorie? La loose. Pourquoi? Elle n'assume pas. Ce n'est pas une vraie winneuse. Venez vous faire foutre! Il m'a fallu quelques semaines pour soigner ma jambe. Double fracture du péroné. C'est vrai qu'on l'avait échappé belle. Mais après 2 mois d'arrêt maladie, au moment de reprendre mon poste, j'ai eu une drôle de surprise. Allô, Louise? Oui? Ouais, j'ai comme l'impression qu'on s'est fait balader. Où ça? Ben Jeanne. Elle est passée aux relations humaines, une promotion. Pff, t'es au courant? Comment tu le sais? Tu as regardé dans ta boîte aux lettres? Non, pas ce matin. Parce que moi, j'ai reçu ma lettre de licenciement. Oh merde! Et toi? Non, j'ai rien reçu. Attends, je vais voir. Ok. Moi aussi, figure-toi. Motif? Défaut de résultat. Et toi? Absentéisme. Forcément avec ma jambe. Oh, les enfoirés. T'as regardé la signature? Oh, j'y crois pas. Elle a même eu la peau de Marie-Hélène. C'est pas beau, ça. Jeanne Bourguignon, directrice des relations humaines. Comme quoi, au jeu de la mort, il n'y a pas que des perdants. Rien que des gagnants. Des winners et des winneuses. Tu vois, Marc, on a beau dire, mais Jeanne, quand même, c'est elle la meilleure. T'as raison, c'est elle la meilleure. Une vraie battante. Jeanne, c'est une vraie première de cordée. Voilà, c'est le mot juste, oui. Première de cordée. C'était « Jeu de mort » de François Luciani. Avec Emmanuel Vérité, Fleur Sulmont, Morgane Hénaud, Catherine Boguet et Duncan Evenou. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Sophie Haute-Picon. She done me good. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeux de mort. Nos invités, Hubert Prolongeau et Grégory Mardon, auteurs et dessinateurs du roman graphique très réaliste Le Travail mal tué, édité chez Futuropolis. Bonjour Grégory Mardon. Bonjour. Vous êtes à Paris. Bonjour Hubert Prolongeau. Bonjour. Vous êtes-vous à Bordeaux, dans les studios de France Bleu Gironde. Alors vous êtes Hubert Prolongeau, écrivain et journaliste. Vous vous partagez entre la littérature et le grand reportage. Vous pratiquez pour vos enquêtes ce qu'on appelle l'immersion. Vous nous expliquerez votre façon de travailler. Vous avez également écrit plusieurs polars, hein, je crois, et un téléfilm. Vous, Grégory Mardon, vous êtes dessinateur, donc, et vous êtes l'auteur de nombreuses bandes dessinées, dont le Tekel et Prends soin de toi en 2017. Et bien sûr, Les bijoux de la Kardashian en 2019. Cette année, un livre pour lequel nous vous avons reçu dans une émission Affaires sensibles de la semaine, c'était au mois de juin dernier. Alors ce roman graphique, celui dont on parle, Le Travail mal tué, nous parle de la vie à l'intérieur d'une grosse entreprise française. Vous l'avez écrit avec Arnaud Delalande, c'est vraiment un très beau travail. On va commencer par Hubert Prolongeau, peut-être vous partez d'une histoire réelle et vous en faites une fiction. Pourquoi ce choix de la fiction pour expliquer le réel ? Alors c'est une fiction très très proche de la réalité. On avait étudié avec Paul Morera pour un livre qui s'appelait « Travailler en mourir » en 2009, les cas de suicide chez Renault où il y avait eu une vague qui avait amené 6 personnes à se tuer. Alors quand on dit vague, il faut savoir que ça veut dire vague médiatique, c'est-à-dire que cela, on en avait parlé, mais qu'il y en a à peu près autant qu'à l'époque et que c'est malheureusement un phénomène récurrent et seule l'émergence de quelques éléments particulièrement dramatiques, à Renault à l'époque, à France Télécom ensuite, le procès de France Télécom qui s'est achevé en juillet et dont le verdict tombera en décembre, tout ça font qu'on en parle. Mais malheureusement, le problème du suicide au travail est un problème récurrent. Et la veuve d'un des suicidés de cette vague nous avait raconté beaucoup de choses, nous avait donné des documents qui permettent de reconstituer de manière très précise l'histoire de cet homme qu'on appelle Carlos dans la BD, et surtout de bien mettre en jeu, pensions-nous, le mécanisme qui l'a amené à cette mort. Parce que c'est pas des histoires individuelles, ce ne sont pas que des histoires individuelles, ce sont aussi des histoires qui malheureusement sont amenés à leur terme tragique par un collectif. Et l'histoire de Carlos était extrêmement révélatrice de la manière dont ces mécanismes se mettent en place. Après avoir écrit ce livre, passer à la fiction, c'était aussi donner, et je trouve que le dessin de Grégory l'a magnifiquement fait, donner une humanité à des histoires qui, contraints qu'on était malgré tout par la réalité, par ce qu'on savait, par les gens qui acceptaient de nous parler, ceux qui avaient refusé de le faire, à laquelle on ne pouvait pas donner absolument toute son ampleur, et la fiction permettait de le faire. Alors justement, on va se tourner vers Grégory Mardon. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé? Pourquoi vous allez dans cette aventure? Bon, j'imagine que le thème est puissant, il est très fort, vous l'avez ressenti comme ça, déjà. Oui, oui. Bon, en effet, d'abord, on a été mis en contact par notre éditeur qui a jugé que j'étais certainement le dessinateur qui pouvait correspondre à ce genre de récit. Et moi, j'en étais ravi puisque c'était pour moi l'occasion de pouvoir aborder un thème un peu social et engagé, ce que je n'arrivais pas à faire moi-même. Et là, le défi était dans la mise en scène puisqu'il y avait une certaine sobriété dans le déroulement de l'histoire puisque il y a assez peu de lieux différents. C'est là où le personnage habite et puis où il travaille surtout. Et il fallait... Réaliste, quoi. Voilà, et peu à peu montrer la progression de la tension qui lui pèse de plus en plus sur les épaules jusqu'à en arriver à ce geste inéluctable. Et jouer sur cette... Moi, j'ai joué en tout cas sur la répétition d'un format de case assez identique pour pouvoir contraster d'autant plus dès que je changeais de format. Si j'avais une pleine page d'un seul coup, alors que j'étais dans un principe de gaufrier de 6 cases ou de 12 cases, d'un seul coup, la pleine page devenait beaucoup plus percutante et sur les moments clés, au moins, ça pouvait permettre d'être très fort à ce moment-là. Et puis, j'ai voulu aussi dessiner très vite pour avoir un trait très nerveux, très tendu, tout aussi tendu que le récit pouvait l'être. Pour donner un visage humain à des gens qui le sont et d'autres qui le sont moins, en fait. Oui, en fait, j'aime avec peu de moyens graphiques dessiner les expressions des personnages et contraster celles de mon personnage principal qui sont avec lequel on va être plus en empathie et la hiérarchie qui était beaucoup plus glaciale. Et c'est ce qui est fort d'ailleurs pour le lecteur Hubert Prolongeau, parce que le milieu du travail ne se soucie pas de la vie personnelle de ses salariés, mais vous en revanche, dans la BD, dans le roman graphique, dans le livre, il y a des allers-retours incessants avec la vie privée, et c'est important. Oui, parce que la vie privée est sacrifiée elle aussi. En fait, tout ça, c'est une espèce de la vie professionnelle ronge la vie privée. Et il y a une grande hypocrisie de la part des patrons, on l'a vu encore avec Didier Lombard quand il s'est exprimé, qui essaie de toujours tout mettre sur le côté personnel des choses. Or, la vie privée ne devient catastrophique que parce que la vie professionnelle a trop pris. Et si Carlos a des problèmes avec sa femme, c'est pas parce qu'il a intrinsèquement des problèmes avec elle, c'est parce que la vie qu'il est obligé de mener ne peut pas permettre à leur couple de s'épanouir. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, je crois, qui est assez important dans le cas des suicides au travail, c'est que ça frappe des gens qui sont extrêmement méritants. Ça frappe les gens qui sont les plus dévoués à l'entreprise. Quelqu'un qui est là et dont le seul but est d'en faire le moins possible et de partir le plus tôt possible ne sera jamais poussé à un acte désespéré. Les gens qui se suicident sont les gens qui investissent énormément dans leur vie professionnelle et qui finissent par tout y sacrifier. Et c'est cette absence d'équilibre, dont on peut dire que c'est une absence de lucidité de leur part aussi, qui les amène à ces gestes terribles. Donc ils sont doublement victimes, et leur vie personnelle est la première victime de leur vie professionnelle. Mais alors, c'est une perversion de la part de l'entreprise que de frapper ceux qui, justement, servent le mieux l'entreprise. Pourquoi ? Malheureusement non, je crois que c'est un risque assumé, c'est-à-dire qu'on en sacrifie quelques-uns pour pousser l'ensemble. Il y a un cynisme extrême dans la manière dont ces systèmes de management se sont mis en place. Ils viennent pas de n'importe où, c'est pas le fait d'un sadique qui par hasard saute à la tête d'une boîte. Mm-hmm. Ce sont des éléments qui sont théorisés. Il y a des livres de management qui mettent en jeu ça et qui admettre le fait que certaines personnes soient victimes d'une espèce d'élan de l'entreprise où tout le monde fait peser des pressions sur tout le monde. Vous parlez de la DRH, mais la DRH n'est ni méchante ni inhumaine. La DRH subit elle aussi des pressions du dessus et elle les répercute parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est prise elle-même dans les mêmes déchirements que les Carlos. Et à ce jeu, ceux qui sont sacrifiés sont souvent les plus faibles, mais sont aussi ceux qui sont le plus prêts à donner. Il y a une espèce de trahison totale et parfaitement cynique. Mais non, je crains malheureusement que ça ne soit pas quelque chose d'accidentel, mais quelque chose de prévu et d'assumé. Mais il y a même une logique de guerre, sacrifier des gens. Parce que on les sacrifie, quand ça va jusqu'au suicide, c'est bien qu'on les sacrifie. Ça, c'est une logique de guerre. C'est un monde brutal. On parle de cost killer, enfin c'est un terme qui est quand même d'une dureté incroyable. Le vocabulaire utilisé est souvent un vocabulaire guerrier, et effectivement, ben comme dans toute guerre, il y a des victimes, et ce sont souvent celles qui sont au premier rang. Alors, puisque j'ai la chance de vous avoir tous les deux, Grégory Mardon, dessinateur, Hubert Prolongeau, scénariste, dans 3 minutes, on parlera ensemble d'une scène, j'en ai choisi une, j'aurais pu choisir une autre scène, ce sera celle-là, celle de l'open space. À tout de suite. My mind, where is my mind? Grégory Mardon, Hubert Prolongeau, respectivement dessinateur et scénariste du roman graphique intitulé Le Travail m'a tué, sur la brutalité, parfois, pas toujours heureusement, mais parfois du monde du travail. Je voudrais prendre un exemple, alors ce sont deux pages, les pages 18 et 19. Sur la page 18, on a la façade. Cette façade se présente comme une cathédrale de verre, comme les grands sièges des entreprises qu'on peut voir un peu partout dans les grandes villes, dans le monde occidental et ailleurs. Et puis, il y a cette scène. Alors, là, on montre aux salariés ce que seront ces bureaux. En fait, c'est un grand bureau, ça s'appelle un open space, hein, beaucoup à connaître ça. Et le discours de l'entreprise est le suivant. Vous serez là, messieurs, chacun d'entre vous aura un petit box, vous pourrez parler les uns avec les autres de façon beaucoup plus pratique. Tout le monde va y gagner et nos voitures n'en seront que plus belles. Les chefs d'atelier et d'unité seront au milieu, les chefs de service séparés par des vitres. Alors, il présente ça comme un paradis du travail. On a quand même dans le staff de la direction d'entreprise cette phrase un peu plus honnête. Mais voilà, hein, transparence pour tous et accessibilité maximale. Ça veut tout dire. Accessibilité maximale, déjà, c'est porteur de pas mal d'angoisse. Hubert Prolongeau, les phrases sont très réalistes. Hein, comment vous avez travaillé d'un point de vue documentaire? Alors, parce qu'on avait rencontré beaucoup de gens et que les renseignements qu'on avait eus étaient très précis. Donc on a beaucoup de phrases prononcées dans le scénario sont des phrases qui ont été réellement prononcées et des textes écrits par Carlos l'ont réellement été. L'idée de mettre en scène l'open space, c'était de montrer d'abord que cette espèce d'emprise de l'entreprise sur les gens qui lui sont dévoués se fait par des petites choses et que ces petites choses finissent par les grignoter. C'est la même chose avec les laisses électroniques, avec les courriels qui arrivent jusqu'à 11h, minuit, auxquels il faut répondre pour le lendemain. Et l'intérêt, c'est de montrer aussi comment s'élabore un double langage, c'est-à-dire une espèce de fiction qui donne des intentions aux choses qu'on crée, qui ne sont pas du tout celles que vivent les gens. Ah oui. Et là, il y a une dichotomie que l'entreprise se refuse à voir. On leur dit, ça va être merveilleux, open space, vous serez à côté de vos copains, on pourra leur parler sans problème. Et puis, on ne parle pas du tout le fait qu'on peut plus passer un coup de fil, qu'on entend toujours ce que dit l'autre, que cette présence est pesante. On évacue complètement ça. Et quand les gens qui le vivent mal le disent, on ne les écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dogme qui a été créé qui veut que l'open space soit formidable. Alors après, l'open space, c'est un détail. Il y en a d'autres. Mais c'est cette accumulation qui finit par pousser les plus faibles à la mort. Mais cependant, le lieu est quand même très important parce que avant, il était dans une entreprise où il pouvait voir toute la chaîne de montage. Il voyait les voitures qu'il fabriquait. Et d'un seul coup, il se retrouve dans un endroit complètement aseptisé, désincarné. Et la perte de sens de son métier commence à prendre forme. Et c'est là que il commence à perdre pied. Et j'ai choisi cet extrait justement parce que d'abord il arrive au début du roman graphique et il nous met vraiment dans l'ambiance. Il est effrayant par le dessin, par les paroles et par sa froideur. C'est pour ça que je l'ai cité. Effectivement, j'aurais pu en citer d'autres. Vous avez parlé de caméra, Grégory Mardon. Oui, bon, c'est important ça. Oui, mais c'est un tic parce que bon, caméra, qui dit caméra dit cinéma et la bande dessinée n'est pas du cinéma, même si. On peut avoir une certaine analogie. Bien sûr. Non, mais moi je suis inspiré par le cinéma. Mais la bande dessinée a ses, oui, bien sûr, mais a ses propres, ses propres outils pour pouvoir raconter quelque chose. Donc mais il y a un effet dès qu'il y a cadrage, dès qu'il y a, il y a forcément l'idée de d'un point de vue caméra. Voilà. Ouais, c'est la façon la plus facile pour faire comprendre ça aux gens en tout cas. Eh bien, prolongeons. On va terminer par, ça c'est logique, par la dernière scène entre la femme de Carlos Pérez, le personnage principal du livre, et l'avocate, qui renvoie évidemment à la scène d'ouverture du livre. Vous avez imaginé ça comme une conclusion à l'histoire ou pour ouvrir sur le dernier chapitre intitulé « Et maintenant, d'ailleurs, je vous dis ça parce que vous écrivez, on forme les encadrants à encadrer ceux qu'ils ne connaissent pas ou encore on devient fou au travail parce que le travail devient fou ». Oui, c'est une évolution qui est assez terrible et qui est parfois difficilement palpable. Mais on a l'impression que la logique du profit à tout prix, le poids des actionnaires, la compétition grandissante, la mondialisation, bien sûr, ont amené le monde du travail à devenir de plus en plus dur pour ceux qui y sont. Quand on y réfléchit, ça paraît absurde. Enfin, on se dit pourquoi ne pas s'arrêter quand tout le monde gagne sa vie et tout le monde est bien. Eh ben non, il y a une logique qui fait qu'il faut aller toujours plus, qu'il faut aller encore plus loin, plus gagner plus, et que ça provoque des drames. Cette victoire de la femme de Carlos, Et effectivement, la première fois pratiquement où la justice a reconnu la réalité de la responsabilité de l'entreprise dans la mort d'un des salariés. Absolument. Donc il y a eu une condamnation d'une grande entreprise française que tout le monde reconnaîtra pour faute inexcusable. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce que ça renvoie là aussi tout un discours consistant à faire de ces gens-là des gens fragiles, un peu névrosés, mal dans leur vie, à la réalité profonde des responsabilités de ceux qui les dirigent et qui les pousse dans ces retranchements. Donc ça a été un moment important et en plus extrêmement inattendu et dû à la persévérance quand même d'une femme. C'est un peu quand même, et il y en a de temps en temps des histoires de David et Goliath et où là aussi David a gagné. Victoire temporaire bien sûr, mais réelle, et j'espère sincèrement que nos juges sauront en décembre donner une autre victoire, même symbolique vu la faiblesse des réquisitoires, mais quand même une victoire symbolique à ceux qui ont souffert sous le règne assez tyrannique des dirigeants de France Télécom. Et bien, ce sera le mot de la fin, Hubert Prolongeau. Je vous remercie, ainsi que vous, Grégory Mardon, dessinateur donc de cette œuvre, ce roman graphique, superbe, hein, franchement, qui s'appelle Le Travail m'a tué, chez Futuropolis. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeu de mort, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Sophie Haute-Picon, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Almi Oro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Élise Christophe et Florent Layani. Le travail nous tue, jeu de mort. C'était la fiction du vendredi d'Affaires sensibles, la pensée délicate de Fabrice Drouel revient lundi.